Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de l'IGMS avec notre ami Pierre Gay. Pierre, on vous en a parlé dans le test sport local vendredi. Il n'est plus président de la Ligue GMS. On va savoir les raisons pourquoi. Salut Pierre! Salut Harry. Pierre, oui, effectivement, donc je l'ai annoncé vendredi, mais on ne savait pas trop les raisons. Tout ce que j'ai annoncé, c'est que tu n'étais plus président. Pour quelle raison tu as démissionné? Bon, la première des choses, Danny, c'est que là, je n'ai pas renouvelé mon contrat parce que j'avais deux équipes dans les juniors là, qui me travaillaient par en arrière là, pour que je m'enlève. Quand on a parlé de... M. Caron, le sommelier président, là, c'est les deux mêmes équipes, les Marquis Jonquin et Normandin. Okay. Ça me faisait pas de temps. En plus, surtout que mon fils est maintenant rendu instructeur à Alma. Ouais. Et mon frère, qui est gouverneur à Roberval, j'étais beaucoup en conflit d'intérêt avec ces deux équipes-là. C'est que j'ai décidé de m'attirer personnellement pour pas nuire à ces deux personnes-là. Guillaume est jeune, il a une chance de faire une petite carrière d'instructeur, il aime ça. Mm. Puis mon frère, ben, lui, à Roberval, il aime très bien l'hockey, mais ça fait. C'est parfait pour eux. Moi, à mon âge, j'aimerais mieux me tasser. Par contre, je suis en train d'étudier pour rester avec la Ligue, parce que Danny, qui est le nouveau président, mon vice-président, qui est devenu le nouveau président, m'a demandé de rester avec eux autres. Je lui ai dit que j'étais en réflexion, que je prendrais un mois pour savoir si j'allais revenir dans la Ligue ou non, là, puis à quelle position. Mais c'est sûr que pour le junior, pour moi, dorénavant, là, il faut l'oublier. Puis la Ligue, j'étais bien content. J'ai fait 2 ans. Mes 2 ans de service ont été très bons. Mes 2 années budgétaires, on a fini au-dessus sans gros commanditaire des tournois, du tournoi Mario Tremblay. Puis ça a très bien été. Quand on m'a demandé de remplacer Marcel, j'ai accepté. Ce sont les mêmes équipes qui m'ont demandé de me retirer, qui ont travaillé pour que je rentre en place pour sortir Marcel. Donc là, j'ai beaucoup de bien. Pour aller continuer pendant 2 ans, je vais me faire parler dans le dos, ben ouais. Je retourne, descendre, je vais te faire garder la paix, je vais avoir la paix, je vais être tranquille. Si j'ai un poste au sein de la Ligue avec Danny, ben, le cas, ils ne pourront pas parler, ça ne sera pas un poste de président, donc je ne serai plus décisionnel. Okay. Il faut que je te pose la question, réponds-moi comme tu veux. Quelles sont ces équipes? Ben, oui, l'équipe, je ne sais pas, c'est l'équipe senior, c'est ceux qui avaient parlé à M. Caron. Ah, qui pouvait venir pour le président, il ne faut pas s'en cacher. Donc, c'est vrai. Ce qu'on avait annoncé récemment, là, puis qu'on s'est fait rire de moi, je me suis fait rire de moi, que Mathieu Caron voulait la poste de président, c'était bel et bien vrai ce que tu dis là. Ah, écoute, ben, moi, ce que j'avais su, ce que j'ai su dans le temps que tout avait sorti la nouvelle, c'était allé aux nouvelles, puis même d'autres de la Ligue, le Seigneur de la Ligue, on en parlait beaucoup, que c'était vraiment le cas, puis il y avait des équipes de juniors qui en parlaient aussi. Écoute, les juniors qui m'ont appelé me demander si vraiment Mathieu Caron allait s'envoler contre moi. Je n'étais pas au courant de rien, tu sais. Je veux dire, nous autres, moi, mon idée, c'était de continuer. J'aimerais ça travailler. J'aime travailler pour les jeunes. Mais travailler dans, tu sais, de même, puis tout le temps être à regarder de travers, là, non, ça ne m'intéresse pas partout. Je n'étais pas intéressé. J'imagine que Mathieu, c'est sûr qu'il voulait y aller. Ben, il a le droit, comme tout le monde. Mathieu, c'est peut-être un très bon ancien. Ça aurait été peut-être un très bon président, mais il faut peut-être l'appui de toutes les équipes juniors et midgettes. Okay. Et le problème, il est là, c'est qu'on a 2 livres et on a 4 ans d'équipe. Fait que c'est un peu plus difficile. Lui, en plus, il travaille, il est arbitre, donc il aurait fallu qu'il lâche son travail d'arbitre dans les juniors midgettes. Je ne suis pas certain que ça aurait été, parce que c'est un gars qui aime bien arbitrer. Puis, il fait des années qu'il arbitre. Et c'est un des meilleurs qu'on a dans la Ligue, dans la région. Fait que, faut pas s'en cacher, là. Mais moi, ce qui me fait rire un peu là-dedans, c'est que c'est le but premier, c'est quoi? C'est de faire du bénévolat pour l'organisation pour faire avancer cette ligue-là. Puisque je me vois, il y a quand même une petite guéguerre de pouvoir. Est-ce que je me trompe? Ben, une guerre de pouvoir, ça, le junior, ça a toujours été. Ouais. Pas s'en cacher, ça a toujours été une guerre de pouvoir. C'est chaque équipe qui est de son bord. Chaque équipe doit avoir le plus possible de son, obtenir le plus possible de son côté. Tandis que nous autres, tu veux qu'on fasse, on essaie de maintenir ça. Moi, les équipes devaient travailler avec moi quand j'ai rentré là. On avait une réunion de la fédération. Ils devaient tout changer la méthode de travail. Toutes les équipes devaient travailler la main dans la main. Mais ça n'a jamais duré. Ça n'a jamais duré. C'est le même à tous les ans. Chaque équipe veut avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus. Puis, entre eux autres, ça fait que c'est assez difficile. Pourquoi que ça n'a pas voulu? Parce que il y a une gaz, il y a des gens qui tirent toujours la couverte pour leur équipe? Bah, c'est exactement ça. Tu sais, chacun tire de son côté. On l'a vu quand c'était le temps des Périgois, l'année passée. On le voit encore quand c'était les séries. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Parce que là, les Marquis sont puissants. C'est une puissance de la Ligue depuis 8, 9, 10 ans. Ben, tout le monde veut les battre, puis tout le monde tire de son côté. Je suis pas sûr que ça va changer. Ça va rester trop tard, mais ça peut quasiment pas changer. C'est impossible. OK, OK. Tant que les personnes en question vont être là. Ben, c'est ça. Et ça prendrait. C'est dur à dire, mais c'est un renouveau. C'est un renouveau d'aller. Nous autres, moi, le truc que j'avais fait en étant président, j'avais tous des nouveaux à Port-Dany. Ouais. J'avais rajouté Steve Bossé, qui a fait un excellent travail au point de vue du junior. Il m'a remplacé pour les décisions du junior, c'est lui qui les prenait. Et moi, j'étais complètement en dehors des décisions du junior. Bon, je pensais que j'avais bien fait en me tassant complètement. Mais tu sais, ça n'a pas marché. Les équipes n'étaient pas contentes encore. Ça fait que là, si tu veux faire, je ne sais pas si ça va le prendre pour être content. Parce que quand on parle d'un à une équipe, ben lui c'est un ci, lui c'est un sort. Ça peut pas finir. Le midget, c'est des renouvellements de direction à tous les deux ans, un an, deux ans. C'est le monde connaît moins les règlements, puis c'est plus facile à gérer. Mm. Le midget, on n'a pas ce problème-là. On est plus fédération. Le junior, il y a trop de règlements à l'encontre de la Fédé, puis la Constitution, puis c'est assez difficile pour ça. Mais au niveau midget, ça va bien? Le midget, ça va très bien. Okay. Lui, on avait 6-8, 8 équipes, 9 équipes, puis ça a très bien été, puis on s'attend pareil à avoir encore la même chose cette année. Puis le midget, on n'a pas un mot à dire. Comme moi, du côté midget, je sais que les équipes midget m'ont tout rencontré, puis ils m'ont tout parlé. Puis ils semblaient bien heureux, puis ils m'ont demandé si j'allais rester. J'ai dit, je donnerais la réponse au milieu de l'été, parce que là, je vais me reposer la tête tranquille. Je vais aller travailler, comme j'ai toujours fait. Ça va être parfait demain. Puis c'est encore d'un côté plus. Même là, tu sais, je vais pouvoir travailler. Je ne suis pas là, peut-être pas là encore en première réunion, mais en tout cas, si je suis dans l'allée, je ne suis pas obligé d'être là parce que je ne suis pas président. Ouais. Fait encore là, ça va être un plus. Mais je vais toujours être là pour aider les petits gars avec qui j'ai travaillé les deux dernières années. J'avais une belle gang, puis tout le monde est encore en place. Fait que c'est parfait. OK, OK. Ben, Pierre, merci beaucoup. J'ai hâte de voir la chronique, ça va continuer. J'espère qu'elle va continuer parce que ça fait deux. Ça fait quoi? Fais-tu deux ans qu'on a une chronique? En plus de ça, on a des chroniques des castors, on a des chroniques des sables de Robert Brown, on en a régulièrement aussi. Donc, avec nous autres, ça fait certainement un an et demi. Je pense qu'on avait commencé la première année, au milieu de la saison, on s'était rencontré, puis c'était Guy Saint-Herlet qui t'appelait à tous les semaines. Ouais. Il faisait la chronique. Puis cette année, ben, c'est moi qui l'ai fait, on n'avait pas de personne. Mais je crois dans le comité ou non. Moi, pour ma part, la chronique va continuer, ça c'est sûr. Je vais en parler à Danny. Puis je vois pas pourquoi que la chronique ne pourrait pas continuer au lac quand on a l'occasion d'avoir une radio qui nous offre le temps d'antenne. Ouais, si tout le monde veut nous offrir du temps d'antenne, on va y aller, c'est sûr. Tout le monde. Non, ouais. Si personne n'offre du temps d'antenne, toi, tu nous as. On s'est contacté, tu m'as contacté, on s'est parlé, j'ai fait accepter par mon CA. Puis c'est sûr et certain que ben Danny va être là. Danny a la même optique que moi. La chronique va continuer, certain, avec toi. Si tu trouves une chronique, la Ligue Junior Midget, c'est qu'il m'appelle ou qu'on se contacte et qu'il me dit on va en avoir une. On est capable d'avoir une personne à tous les semaines, faire une chronique de 5 à 10 minutes. Ouais. Bon, c'est pas dur. Ben oui. Ben, Pierre, passe un bel été. On va se reparler tout au long de la saison prochaine. Donc, puis encore une fois, bravo et félicitations pour ton travail aux 2 ans avec les GMS. Merci, Dani. À la prochaine. Voilà, bye. Pierre Gay, qui était président de la Ligue GMS.